Bonjour à tous. Aujourd'hui, pavé de saumon en croûte de noix de Grenoble pour 4 personnes. 4 pavés de saumon de 150 g, 200 g de cerneau de noix, 50 g de beurre, du sel et du poivre. Mixez les noix et les incorporez au beurre mou. Bien mélanger. Assaisonnez le saumon sans peau et sans arête. Le masquez avec le beurre aux noix. Enfournez 15 minutes à 220 degrés. Dressez sur les assiettes chaudes. Servir avec un riz aux trois couleurs. J'aime cette recette avec une petite sauce à l'oseille. Un petit vin conseillé. Un blanc du coteau du Grésivaudan à boire avec modération.